Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'élection présidentielle de 2000 aux États-Unis. Des manifestants démocrates de West Palm Beach en Floride qui demandent de pouvoir revoter deux jours seulement après l'élection présidentielle du 7 novembre 2000. Le soir de l'élection, le résultat est si serré que les Américains iront au lit sans savoir qui sera leur nouveau président. De fait, pendant des semaines, ils vont ignorer qui, du républicain George W. Bush ou du démocrate Al Gore, a remporté cette fameuse élection présidentielle. C'est le résultat du vote en Floride qui va déterminer le vainqueur, mais le résultat est si serré qu'il va déboucher sur une série de contestations judiciaires et c'est finalement la Cour suprême des États-Unis qui tranchera en faveur de George W. Bush. Ce n'est que le 13 décembre 2000 que cette crise politique sans précédent va connaître son dénouement lorsque le démocrate Al Gore reconnaîtra la victoire de son adversaire, George W. Bush. Un dernier tour des résultats avec Christian Latraille maintenant. Christian? Oui, l'État de la Floride, le Sunshine State, n'aura jamais aussi bien porté son nom parce qu'effectivement, c'est très, tous très chaud. Tous les feux sont sur lui. Oui, mais effectivement, c'est inchangé depuis presque maintenant, presque une heure et demie, deux heures. Les résultats nous arrivent au compte-gouttes. 246 pour Bush et 242 pour Gore. Le pourcentage, le suffrage exprimé n'a pas beaucoup bougé non plus. 49% pour Bush et 48% pour Gore. Il y a encore quatre États dont on ignore les résultats, la Floride, l'Iowa, l'Oregon et le Wisconsin, qui totalisent à eux quatre 50 grands électeurs et qui, évidemment, vont décider de l'issue de cette soirée électorale extrêmement serrée. Vous l'avez dit tout au cours de la soirée, probablement la plus serrée depuis l'élection en 1960 de John F. Kennedy. Christian Latraille, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2000, autour d'une heure du matin, qui fait donc un peu le bilan de ce résultat très, très serré de l'élection présidentielle de 2000. Il donnait le décompte, en fait, des grands électeurs obtenus par chacun des candidats à ce moment-là, le démocrate Al Gore et le républicain George W. Bush, pour revivre cette élection historique du 7 novembre 2000, la saga judiciaire aussi sur laquelle elle va déboucher. Mon invité est la politologue Karine Prémont, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke, qui est chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Karine, bonjour. Bonjour. On va revenir sur cette folle soirée électorale. Vraiment, c'est digne des meilleurs scénarios de films à Hollywood. Mais un peu de contexte d'abord. Qui sont, bon, Bush et Gore, qui sont ces deux hommes qui s'affrontent lors de cette campagne électorale, leurs forces et leurs faiblesses? Al Gore, c'est le vice-président de Bill Clinton. Il est à la Maison-Blanche depuis déjà 8 ans. C'est la fin du deuxième mandat de Clinton. C'est un type qui est très expérimenté, très compétent, mais qui a des problèmes en termes de personnalité. C'est quelqu'un qui est plutôt terne, je dirais, qui s'exprime de façon assez monocorde. Alors, il a de la difficulté à intéresser les gens. Et à l'opposé, on a le républicain George W. Bush, qui est beaucoup moins expérimenté. Il est gouverneur du Texas depuis 6 ans, mais c'est quelqu'un dont on ne reconnaît pas beaucoup la capacité en termes de politique étrangère. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté les États-Unis, par exemple. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a un passé, je vous dirais, un peu lourd. C'est quelqu'un dont qu'on qualifie souvent de fils à papa en réalité, puisqu'il est le fils de l'ancien président Bush. Mais il a une personnalité beaucoup plus attachante, beaucoup plus chaleureuse. Alors, c'est vraiment deux personnalités complètement différentes qui vont s'affronter en 2000. Et ça va donner quel genre de campagne? Ça va donner une campagne pas très intéressante dans la mesure où cette campagne-là a de la difficulté à soulever les passions. Les débats sont très peu écoutés par les Américains. Il y a un troisième candidat qui s'embarque dans la course, Ralph Nader. Alors, les Américains sont pas très intéressés par les candidats en place, je vous dirais, à ce moment-là. Alors, c'est une campagne qui se déroule finalement de façon tout à fait ordinaire, tout à fait tranquille, là, sans grands éclats jusqu'à ce moment-là. Bush commence avec, au début de la campagne, il jouit d'une assez confortable avance. Mais ça va diminuer. À la mi-septembre, il y a même des républicains qui commencent à s'inquiéter très, très sérieusement et à haute voix. Écoutez ce reportage diffusé à l'émission Dimanche Magazine le 17 septembre 2000, reportage de Sylvain Desjardins. Vous allez y entendre les commentaires du journaliste américain Jay Root et du stratège républicain Kenneth Weinstein. Au début du reportage de Sylvain Desjardins, vous allez voir, on évoque une controverse autour d'une publicité républicaine où une allusion subliminale associerait les fonctionnaires américains à des selon le camp démocrate. You know, the idea of putting subliminal messages in the ads is ridiculous. We Le bruit médiatique, en effet, a été intense cette semaine. George Bush a dû affronter la tempête sans arriver à prononcer correctement une seule fois le mot « subliminal ». Ces dernières maladresses s'ajoutent à la gaffe d'il y a deux semaines quand George Bush traitait un journaliste de « trou du cul » devant un micro resté ouvert. Ce n'est pas qu'une question de spot publicitaire. Il a eu du mal à expliquer, juste après la convention démocrate, il a eu du mal à expliquer son plan pour réduire les impôts. Il s'est un peu perdu dans les chiffres. Et puis Newsweek l'a décrit incohérent. La situation est vraiment devenue très grave. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, même au sein du Parti républicain, il y a très peu de gens qui pensent qu'il va gagner les élections. C'est-à-dire qu'il a vraiment... D'abord, en choisissant M. Cheney comme son candidat à la vice-présidence, il a choisi quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, mais quelqu'un qui n'était vraiment pas bien fait pour faire la campagne. La campagne de M. Bush, qui paraissait tellement fort pendant le printemps, même au début de l'été, paraît vraiment maintenant très faible. Et on a aussi l'impression que M. Bush lui-même perd sa confiance en lui-même lorsqu'il parle. Il ne donne pas l'air de quelqu'un qui est prêt à assurer les rênes du pouvoir. Dans les milieux républicains, de plus en plus doutent sur les qualités personnelles de M. Bush. Karine Brémond, ça commençait bien pour George Bush. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'entendre le reportage. On est à la mi-septembre. Qu'est-ce qui se passe pour que sa campagne déraille comme ça? Mais tout d'abord, il a la difficulté à démontrer qu'il connaît bien les dossiers, qu'il a des solutions claires à apporter aux problèmes américains à ce moment-là, alors que son opposant, Al Gore, a beaucoup d'expérience, on l'a dit précédemment, et lui a un plan bien établi. Le problème de Gore, lui, c'est qu'il a de la difficulté à se détacher de l'administration Clinton. Ouais. Bush va démontrer dans les débats à la convention, dans différentes gaffes comme ça qui vont se passer tout au long de la campagne, qu'il a de la difficulté à maîtriser son message, qu'il a de la difficulté, en fait, à le structurer, ce message-là, et surtout à le rendre de façon convaincante. Et il va mettre beaucoup de l'avant, en fait, ses incompétences en gestion politique, en fait. Ce qui fait que le soir de l'élection du 7 novembre 2000, les deux candidats sont au coude à coude. Oui. Et là, vraiment, ça va donner... C'est un scénario, je le disais, là, mais ça pourrait faire un film, cette affaire-là. Comment va se dérouler cette soirée électorale? Cette soirée électorale va commencer comme toutes les autres, de façon bien régulière, je vous dirais, et on va annoncer des résultats aussitôt qu'à 19h50. La Floride va déclarer que Gore a remporté le vote de la Floride. Et là, on a déjà quand même là la plupart des résultats qui sont entrés à ce moment-là. Sauf que au fil de la soirée, alors que chacun des comtés donne ses résultats plus généraux, je vous dirais, la Floride va finir par se rétracter. Ouais. Donc, presque à 10h le soir, la Floride dit « finalement, on n'est pas sûr que c'est Gore qui l'a emporté ». Et là, à ce moment-là, sur les réseaux de télévision, c'est une réaction en chaîne qui va se produire. Et là, chacun va se rétracter un après l'autre. Parce qu'on se rend compte très vite que ça va se jouer dans un seul État. C'est la Floride qui va décider de qui sera président des États-Unis. Oui. Petite pause, politique américaine 101, un petit cours ici. Pourquoi et comment un seul État, la Floride, peut décider du prochain président des États-Unis? Parce que le président des États-Unis est élu non pas par le pourcentage de votes populaires qu'il reçoit, mais par le nombre de grands électeurs qu'il reçoit. Donc, dépendamment des États, vous avez un nombre attribué de grands électeurs et c'est l'addition de ces victoires-là qui vous donne l'accès à la Maison-Blanche, autrement dit. Pour devenir président, donc, il faut remporter 270 grands électeurs sur les 438. Et donc, la Floride, avec ses 25 grands électeurs, peut faire pencher la balance dans une élection très serrée et c'est exactement ce qui va se produire. Et en fait, il n'y a pas, peu importe le nombre de voix, le pourcentage, celui qui remporte l'État remporte tout. L'ensemble des grands électeurs, exactement. Voilà. Donc, qu'on gagne par un vote ou qu'on gagne par 99%, on a l'ensemble des grands électeurs. Voilà. Alors, on revient au déroulement de cette soirée. Gore est donné gagnant au début. Ça commence, finalement, vous disiez, les médias commencent à se rétracter parce que les résultats entrent progressivement et là, on se rend compte que c'est très serré. On se rend compte que dans certains finalement, c'est Bush qui l'a emporté. Alors, les médias se rétractent et à tel point qu'à 2h du matin, ben, on donne Bush gagnant et Gore va concéder la victoire. Mais en route pour le rassemblement devant ses partisans, ben, les conseillers de Gore lui disent « Nous, les résultats qu'on a, c'est que c'est beaucoup plus serré que ça. L'écart serait de moins de 1000 votes. Alors, nous, si on était toi, on ne concéderait pas nécessairement la victoire. » Et c'est là que Gore va rappeler Bush et lui dire « On va attendre un petit peu, parce que moi, les résultats que j'ai, je c'est pas du tout ça. Je victoire. Ne vous concède plus la victoire. Ouais, là, il est rendu 4h30 du matin. Et là, il est 4h30 du matin, et là, on se rend compte qu'il y a une différence d'à peu près 1700 voix entre les deux candidats en Floride, et là, ça change tout. Ouais. Et de fait, donc, les Américains, il y en a pas mal qui sont déjà partis faire dodo, ils savent pas qui est leur président, ils ne le sauront pas non plus le lendemain matin. En fait, non. Ça va prendre des semaines. Combien de temps avant qu'on sache? 41 jours. Précisément. Tout ça parce que cette élection va très, très rapidement, et le vote en Floride, donner lieu à des contestations. Une saga judiciaire nous attend. Contestation sur le résultat de la Floride. Ça commence déjà le 9 novembre. Le 9 novembre, évidemment, puisque l'écart entre les deux candidats est de moins de 0,5 % dans la plupart des comtés en Floride, Gore va demander un recomptage. Et c'est la loi, on fait un recomptage à ce moment-là. Et Gore va demander, lui, un recomptage manuel et non pas mécanique pour être certain qu'il n'y a pas des bulletins de vote qui ont été rejetés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Mm-hmm. Parce qu'on va se rendre compte assez tôt que la plupart des bulletins de vote litigieux viennent de comtés bien précis où il y a une majorité démocrate depuis les dernières élections. Alors, tout va se jouer là dans quelques comtés, mais à partir du 9 novembre, effectivement, là, chacun des candidats va lancer des poursuites judiciaires pour, du côté de Gore, on l'a dit, demander des recomptages et du côté de Bush pour empêcher ces recomptages. Parce que le secrétaire d'État de la Floride accorde ça à Gore dans un premier temps. D'accord, on recompte. Le résultat sera rendu public le 14 novembre. Oui. Mais le 11 novembre, Bush dit, il n'y en a pas question. Je conteste ça. La Cour suprême de la Floride va maintenir quand même la décision de la secrétaire d'État. Oui. On a un résultat prévu le 14 novembre. Ça, c'est le début de la saga judiciaire. Oui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, Karine Prémont, c'est que pendant tout ce temps-là, et ça va durer des semaines, mm-hmm. il y a des manifestants sur le terrain. Les deux clans, démocrates et républicains, s'affrontent. À nouveau, je vous propose d'écouter un reportage de Sylvain Desjardins, diffusé le 12 novembre 2000. Vous allez entendre dans ce reportage Jim Stuber, un ex-candidat démocrate au Congrès, et Arlette Rigby, une électrice républicaine. Every vote counts. C'est comme le guerre civile ici. Parce que tout le monde est divisé l'un côté. C'est les gens qui sont très, très forts pour Gore et contre l'élection. Et il y a les autres qui sont très, très forts pour Bush et qui sont pour l'élection. Des deux côtés, il y avait apparemment beaucoup de républicains et beaucoup de démocrates et c'était assez, c'était pas joli, je crois. Là, tout à l'heure, on m'a dit que d'éviter ce quartier parce qu'il y avait encore du monde, l'animosité. Je n'ai eu aucune difficulté parce qu'il y avait une flèche et en plus c'est un ballot que je connais depuis, enfin la dernière élection c'était le même et l'élection d'avant c'était le même. Moi j'ai parlé à des tas d'amis et les gens n'étaient absolument pas confus. On a, je sais, beaucoup une population qui est âgée et qui peut-être ne sait pas lire des bulletins de vote. Il y avait aucune erreur possible. Hein. Vous, personnellement, vous avez vu le bulletin de vote quand vous êtes allé voter. Est-ce qu'il y avait une confusion possible d'après vous? Oui, c'est très possible. C'est évident parce que moi-même, quand je l'ai vu, je devais penser pour quelques instants qu'est-ce que c'est la chose correcte pour indiquer Bush ou Gore. Il était un peu plus difficile que les ballots normaux. Alors, beaucoup de tensions sur le terrain, on vient de l'entendre, Karine Prémont, et ce débat, très, très pointu, là, un débat qui porte sur la clarté même des bulletins de vote. Et c'est toute la saga judiciaire repose là-dessus, parce qu'en Floride, les bulletins de vote, ce sont des bulletins à poinçons. Donc, les gens doivent percer un trou vis-à-vis le nom du candidat qu'ils souhaitent voir élire. Mais la façon dont les bulletins sont faits, mais l'alignement des deux noms et des trou à poinçonner porte vraiment à confusion. C'est devenu un cas d'école, les bulletins de Floride. Et donc, effectivement, il y avait cette question-là. Est-ce que les gens voulaient vraiment poinçonner tel nom plutôt que tel autre? Mais aussi, la nature même du poinçon. Est-ce qu'on accepte un bulletin dont le trou est tout à fait libéré ou à moitié? Est-ce qu'il fallait donc juger de l'intention de l'électeur, en fait? Et c'était ça, la nature du débat. Et évidemment, dans quelques comtés précis de la Floride, vraiment, c'est là où ça va se jouer. On revient un petit peu au fil des éléments de cette fameuse saga judiciaire. Donc, on le disait avant d'entendre l'extrait de ce reportage, la Cour suprême de la Floride va ordonner la poursuite du recomptage jusqu'au 14 novembre, parce que Bush la contestait, cette poursuite du recomptage. Et puis, le 14 novembre arrive, la secrétaire d'État de la Floride, Catherine Harris, déclare George Bush vainqueur de la Floride. par 300 voix seulement. Alors, elle pense que la situation est réglée. Et pourtant, la Cour suprême de Floride va donner raison ensuite à Gore, qui avait intenté lui aussi un recours pour contester cette date-là, et va affirmer qu'on peut effectivement faire le recomptage manuel dans certains comtés. Et là, pendant à peu près une semaine, là, chacun des camps va y aller de poursuite pour mettre fin au recomptage. Sur injonction. Voilà, donc mettre fin au recomptage, le poursuivre, l'arrêter dans certains comtés, ça va devenir un peu un imbroglio assez spectaculaire. Et finalement, la Cour suprême de Floride, le 21 novembre, va annoncer que le recomptage manuel peut se poursuivre jusqu'au 26 novembre pour donner le temps à tout le monde. Parce qu'essentiellement, les comtés disent on n'a pas assez de temps jusqu'au 14 pour faire le recomptage manuel, surtout s'il faut interpréter chacun des bulletins, évidemment. Alors, on donne cette nouvelle date du 26 novembre. Et ça, c'est la date butoir officielle, à la suite de laquelle, encore une fois, Kathleen Harris va dire « C'est Bush qui gagne en Floride par 537 voix sur Gore. » Et Jeb Bush, qui est gouverneur de la Floride, va même, à ce moment-là, on passe à une autre étape, signer les certificats des grands électeurs. Ça nous permet de parler de ce lien quand même direct. Ce sont deux frères. C'est en Floride que ça joue. Jeb Bush est le gouverneur de l'État et c'est son frère qu'il vient de donner gagnant. Quelle importance ça va avoir, cette proximité-là, dans cette affaire-là? Bien, ça va jeter un soupçon d'irrégularité encore plus fort, je vous dirais, sur les bulletins qui sont contestés, sur les résultats qui sont contestés. Parce qu'on va y aller de soupçons de favoritisme, bien évidemment. Mais je vous dirais que c'est surtout Kathleen Harris qui va jouer un rôle particulier parce que c'est elle qui était vraiment à l'avant-plan dans cette histoire-là et qui souhaitait aller très rapidement dans le règlement de ce différend-là. Donc, effectivement, le fait que Jeb Bush soit le frère du président a peut-être accéléré un peu les procédures à l'avantage, bien sûr, de George W. Le 26 novembre, les bulletins, les certificats des grands électeurs sont signés par Jeb Bush, mais ça ne s'arrête pas là. Bien ça va se retrouver en Cour suprême, la plus haute instance. Sur quoi doit statuer la Cour suprême, Karine Prémont, et quelle va être la décision de la Cour suprême? La Cour suprême doit décider si, effectivement, la décision de la Cour suprême de Floride d'effectuer le recomptage des votes est justifiée ou non. La Cour suprême, le 11 décembre, va dire que la Floride doit cesser le recomptage des votes pour deux raisons. Tout d'abord, parce que la Constitution assure l'égale protection des droits. Et à partir du moment où on recompte manuellement certains bulletins et pas certains autres, ben ça veut dire qu'il y a cette notion d'interprétation dont on parlait tantôt, et donc les votes ne sont pas compilés de façon égale. Votes ne sont plus égaux. Voilà. Alors, à ce moment-là, c'est un problème. Et le problème du temps aussi, parce qu'il y a des dates limites là dans les différentes réglementations qui obligent un résultat après un certain temps. Et puisque la Floride avait déterminé une date limite au 12 décembre et que la décision de la Cour suprême se fait pas mal dans ces moments-là, elle dit qu'il n'y a plus de temps maintenant pour recompter manuellement tous les votes. Alors, c'est terminé. On arrête là. Et ça finit, ça scelle le sort, en fait, de cette élection. Ouais. Et ce sera vraiment et officiellement scellé le 13 décembre 2000, quand le candidat démocrate Al Gore va s'adresser aux Américains pour leur dire qu'il reconnaît la victoire de George Bush et quand George Bush, lui aussi, va s'adresser aux Américains pour les remercier de lui avoir confié la présidence du pays. Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States. I have a lot to be thankful for tonight. I'm thankful for America and thankful that we are able to resolve our electoral differences in a peaceful way. I'm thankful to the American people for the great privilege of being able to serve as your next president. C'est intéressant ce que dit le président américain George W. Bush dans cet extrait, Karine Prémont. Bien sûr, il remercie les électeurs américains de lui avoir confié la présidence des États-Unis, mais plus que ça, il dit « Dieu merci, on a pu régler ça dans ce pays de manière paisible ». Et c'est peut-être une leçon, on a tendance à l'oublier, mais un vote aussi serré sur une élection présidentielle, dans d'autres pays, c'est la guerre civile. Tout à fait. Et d'autant plus que c'est un pays qui compte sur l'échiquier mondial, évidemment. Alors, l'importance de cette élection-là, elle est toujours un peu plus élevée qu'ailleurs. Et je pense que c'est la grande leçon à retenir, en effet, parce qu'à tout moment, ça aurait pu basculer. Ailleurs, vous l'avez dit, ça l'aurait très certainement fait. Mais quand même, le droit s'est substitué d'une certaine façon à cette violence-là. Et même si l'inauguration de Bush n'a pas été de tout repos, c'était quand même tout à fait pacifique comparativement à ce qu'on aurait pu s'attendre à d'autres endroits. Le fameux résultat officiel, au final, qu'est-ce que c'est? Le résultat officiel, c'est 271 grands électeurs pour Bush et 266 pour Gore. Mais en termes de vote populaire, c'est Gore qui en a obtenu davantage, plus de 500 000 votes de plus pour Bush, ouais. pour Gore, pardon, que pour Bush. Et c'était la première fois depuis 1888 mm-hmm. qu'un président était élu avec moins de votes populaires que son candidat, encore une que son fois, adversaire. Pardon. Parce qu'on revient à notre petit cours de politique 101 aux États-Unis, encore une fois, parce que quand on remporte un État, on remporte tous les grands électeurs de l'État. Ça peut mener à ce genre de distorsion. Oui. Avec le recul, c'est tellement serré, qu'est-ce qui a fait la différence? Je vous dirais qu'il y a peut-être deux éléments là que les analystes ont ressortis davantage ces dernières années. Premièrement, la candidature de Ralph Nader, dont on a parlé. Et Ralph Nader, c'était un candidat qui se présentait à ce moment-là pour le Parti vert. Il s'est présenté avant, il se présentera dans d'autres élections après comme indépendant. Et c'est un activiste bien connu des Américains qui a beaucoup milité en faveur des droits des consommateurs. Et il a bénéficié un peu de ce peu de passion que soulevait mm-hmm. l'élection 2000 pour se présenter et récolter 3% des votes. Étant donné qu'on a déterminé qu'il avait surtout intéressé des démocrates, des indépendants. Il y en a beaucoup qui ont sauté à la conclusion en disant « Ralph Nader a volé un peu l'élection d'Al Gore ouais. ». Cependant, avec le recul, quand on examine qui étaient les gens qui avaient voté pour Nader, on s'est rendu compte que ces gens-là n'auraient pas forcément voté pour Gore. Alors, c'est peut-être pas le facteur décisif. Mais il y avait aussi l'affaire Eliane Gonzalez qui s'était déroulée quelques mois auparavant. Le président Clinton avait organisé un raid militaire pour aller chercher un petit réfugié cubain auprès de sa famille. Ça avait fait les manchettes en avril 2000. Pour le retourner à son père. Et donc, et ça avait fait là les manchettes parce que c'est les militaires qui arrivent dans une maison, qui enlèvent un petit garçon. C'était assez spectaculaire comme scène. Et évidemment, Gore a perdu le soutien d'une bonne partie du vote des Cubains en Floride à ce moment-là. Clinton, en 96, avait obtenu 36% du vote des Cubains de la Floride, alors que Gore a réussi à en avoir seulement 20%. Alors, il y a un effet direct là de la faire Gonzalez dans le vote de la Floride. Quel poids va avoir cette élection-là? Quelle trace ça va laisser sur la présidence de George Bush? Élection serrée, contestée, c'est lui qui est président, mais un petit peu par la porte d'en arrière. Est-ce que ce sera lourd à porter pour lui? Ce sera lourd à porter dans les premiers mois de sa présidence parce qu'on va contester sa légitimité à bien des égards. Il y en a des analystes, des observateurs, des politiciens qui ne vont jamais se remettre de cette élection-là. Ils vont dire c'est la Cour suprême qui a tranché, ce n'est pas le peuple, etc. Mais le 11 septembre 2001 va venir mettre un terme à cette discussion-là parce que là, Bush retrouve cette légitimité par le biais du ralliement autour du drapeau qui va faire en sorte que là, on se regroupe autour du président, on se regroupe autour du commandant en chef, et c'est à ce moment-là que vont se terminer les débats sur la légitimité de Bush. Gore, qu'est-ce qu'il va devenir après ça, Al Gore? Gore a une bonne carrière par la suite parce que c'est un champion de la cause environnementale depuis plusieurs années. Alors, il va produire un documentaire qui va gagner un Oscar. Il va recevoir le prix Nobel de la paix avec le GIEC par la suite pour son activisme en environnement. Alors, il va devenir une figure importante de la cause environnementale partout dans le monde pendant les années qui vont suivre. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.